L'été passé ailleurs, il a laissé à moi tomber. Quand dis-moi la pile nouvelle, il demande sa ville. Le soir, mi gagne puis sommeil. Mon cœur est chagriné. Elle est pas à moi, dis-moi où y est ma moi. Mi en pépite, mon cœur est affaibli. Téléphone à moi, vraiment m'en a besoin. Mais les déprimés, m'y gagne pas oublié. Téléphone à moi, tiens-moi où y est ma moi. M'y en pépite, mon cœur affaibli. Téléphone à moi, vraiment m'en a besoin. Tends-moi la main, aide-moi trouve mon chemin. M'y tourne, m'y vire dans la case. Mon esprit est loin, les dire pour mettre la paz. Sourire il manque à moi. Premier chagrin il fait mal. M'y arrête pas pleurer. Si mon tête s'il est bon étoile, un jour on a retrouvé. Téléphone à moi, dis-moi où y est ma moi. Mi en pépite, mon cœur y affaibli. Téléphone à moi, vraiment m'en a besoin. Mais les déprimés, mi gagne pas oublié. Téléphone à moi, dis-moi où y est ma moi. Mi en pépite, mon cœur y affaibli. Téléphone à moi, vraiment m'en a besoin. Tends-moi la main, aide-moi trouve mon chemin. Dans la case, mon esprit est loin. Les dire pour mettre la page. Ce sourire il manque à moi. Pour mes chagrins il fait mal. M'y arrête pas pleurer. Si mon tête s'il n'est bons étoiles, un jour on a retrouvé. Téléphone à moi, dis-moi où y est ma moi. Mi en pépite, mon cœur affaibli. Téléphone à moi, vraiment m'en a besoin. Moi les déprimés, mi gagne pas oublié. Téléphone à moi, dis-moi où y est ma moi. Mi en pépite, mon cœur affaibli. Téléphone à moi, vraiment m'en a besoin. Tends-moi la main, aide-moi trouve mon chemin.